Que des recettes de bonne femme, je vais comprendre qu'il y a des effets. Ça, c'est... Ça vient des forces du bien. Mais ça fait partie de... Ça veut dire comprendre la vie, comprendre comment notre mécanique est bâtie, pour comment elle réagit pour essayer de jouer avec ça. Oui. Jusqu'à date, on a étudié la mécanique physique et on n'a pas voulu scientifiser, on va dire, la mécanique psycho-émotive. On va dire à des personnes, les psychologues peuvent travailler comme ça, il y a des très bons psychologues, il y en a d'autres évidemment qui ont besoin d'un psychologue. Bon, c'est comme tout le monde. Il y a des psychologues qui vont travailler avec les personnes et qui vont être capables de les recentrer. Les recentrer dans leur intelligence. Il y en a d'autres qui vont les normaliser. Écoutez, c'est normal, avatar, on joue encore, on va jaser, puis on va revenir à une forme de normalité, de problématique. D'autres vont s'arranger pour épurer. Ah, moi, j'ai bien des problèmes avec telle affaire. Le psychologue a très bien dit, comment? C'est ça qui est votre malheur. Vous allez à la pêche, vous aimez ça souffrir. Puis on parle autrement. De plus en plus, comme en Europe, il y a la philothérapie qui commence à prendre dessus. Les gens se disent, c'est pas un psychologue que j'ai besoin, c'est un philosophe. Bon. Les gens commencent à, il va falloir qu'on structure de plus en plus la connaissance que l'homme a de cette mécanique qui fait partie de votre pensée, mais la pensée, vous n'êtes pas vous autres. La contrôlez pas comme il faut. Mais vous êtes là. Fait partie de l'émotion, fait partie du désir. C'est quoi un désir? Pourquoi on a des désirs? Pourquoi on peut être programmé à avoir d'autres désirs? Pourquoi la publicité peut avoir une incidence sur nos désirs? Mais avant d'aller faire la guerre ou de m'engueuler avec le voisin ou la voisine ou avec moi-même, tu sais, oui, mais moi, j'aimerais ça faire ça. As-tu décidé que tu aimerais ça faire ça? Non, tu constates que tu aimerais ça faire ça, puis tu veux maintenant faire ta vie sur une affaire qui maintenant t'habite, qui peut-être dans 2 ans, oui, ben, c'est plus là. L'humain va s'allier les forces du bien quand l'humain va s'allier les forces de la compréhension. Puis les forces de la compréhension, ce qui est intéressant là-dedans, puis n'importe qui peut devenir un métacognicien, un autodidacte, quelqu'un qui va avoir la capacité de comprendre ce qui arrive, ce qui lui arrive. Mais progressivement, il va travailler sur lui, comprendre ce qui lui arrive, et nécessairement, il va voir immédiatement les forces du mal, c'est-à-dire qu'il va voir immédiatement la puissance de l'extérieur pour l'empêcher de contrôler. Et ce n'est pas parce qu'il y a des forces intentionnelles qui veulent écraser l'humain. L'humain est manipulé, mais il n'y a pas de manipulateur, c'est une question de mécanique. Mais ce qui illumine la personne qui commence à se prendre en main, ce qu'elle devra comprendre, c'est que c'est normal que les autres profitent du fait que je veux me prendre en main pour créer de la misère. Parce que l'une des lois de l'expression de la nature humaine, c'est la recherche de la misère, la souffrance et du malheur. Ça. Mais comme pour moi, c'est une clé que tu viens de dire, là, que les lois de la compréhension, développer sa compréhension, tu travailles, tu t'allies les forces du bien, mais comment ça peux-tu apprendre à comprendre ou... Ben oui. Oui. Comment premièrement, tu peux apprendre à apprendre, mais ça, on en reparlera à un moment donné, parce que je vais former un atelier sur la métacognition, c'est-à-dire les langages cérébraux qui permettent à l'humain d'apprendre à apprendre, de façon à ce qu'à un moment donné, bien, quand vous allez avoir à acquérir des choses neuves, vous puissiez apprendre facilement. Ce qui n'est pas le cas, parce que normalement, la métacognition se fait chez l'humain de l'âge de la naissance à aller vers l'âge de 3 ans, 3-4 ans. C'est là que l'enfant va tout structurer sa métacognition. À partir de là, normalement, il se sert de ses outils, mais il les raffine presque plus. Puis nécessairement, bien, rendu à un âge plus avancé, si nos outils sont plus adaptés, on a des difficultés à apprendre des choses neuves, apprendre l'informatique, apprendre une nouvelle langue, apprendre, etc., ou simplement de nouveaux concepts au niveau de soi-même, ça devient complexe. Bon, ça s'apprend. De toute façon, le moindrement qu'on est capable de comprendre une mécanique, ça s'enseigne. Si on peut comprendre comment l'humain apprend, et ça, il y a énormément d'études planétaires, au niveau universitaire, où les gens essaient d'étudier ça, pour essayer de créer l'intelligence artificielle au niveau de la robotique, de la cybernétique, ça se fait aussi un peu partout ailleurs. Bon, mais moi, je sais comment l'humain apprend. Du moment que l'humain sait comment il apprend lui-même, ben alors là, il est capable de se restructurer pour après ça apprendre, et ça beaucoup plus rapidement. Donc, ça se fait. De toute façon, du moment qu'on a une mécanique et que l'humain sait comment apprendre, après ça, ça va bien, il devient autodidacte. Autodidacte, ça veut dire qu'il est capable d'apprendre de par lui-même. Un groupe de capable d'apprendre de par lui-même, ça avance, c'est intéressant et on règle des problèmes. Mais ça, est-ce que tu associes ça avec la compréhension? Parce qu'apprendre et comprendre, nécessairement. Ça va ensemble, ça. Si tu mémorises une chose, il faut que, pour utiliser ce que tu as appris, tu dois repasser par toute la procédure mémorielle pour trouver l'élément que tu as besoin. Comprendre, ça veut dire avoir un accès aléatoire à ta mémoire. Bon. Alors moi, je t'explique comment on défait un moteur d'auto, puis comment on le refait. À un moment donné, il y a deux boulons qu'il faut défaire, puis celui qui prend une grande procédure, ben là, il va ôter les bougies avant, il va faire ci, il va sauter quelques étapes parce qu'il se rend bien compte que. Alors que celui qui a compris comment faisait fonctionner un moteur va être capable d'avoir un accès aléatoire. Alors il va faire démarrer, voir, il entend tourner, et là il fouille aléatoirement dans sa compréhension. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Attends, je pense que peut-être que, là, il vient de ramasser un morceau, il va aller vérifier s'il y a du feu à ce bougie-là. C'est ça, il veut écouter encore, accès aléatoire. Mais c'est ce qui fait la différence entre un bon mécanicien et un mécanicien normal. C'est la différence entre un expert et quelqu'un qui ne l'est pas. Mais au niveau psychologique, c'est la même chose. Êtes-vous des experts de vous-même ou non? Bon, dernièrement, je parlais à quelqu'un, j'ai rencontré, qu'est-ce qui est arrivé? La personne me dit, hey, devine ce qui est arrivé ce soir. Ben, je sais pas. C'est quelque chose de vraiment, c'est terrible. Mais quoi? Mais premièrement, je suis sorti de la maison, là, je m'en allais. Je peux pas me compter ce qui est arrivé sans me compter toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas d'accès aléatoire. C'est la façon dont elle a de structurer sur ses événements n'est pas efficace. Alors, quand elle a besoin de se rappeler des choses importantes qu'elle a apprises dans la vie, sur le moment où elle en a besoin, ça ne peut pas lui être utile. Parce que le chemin mémoriel étant trop grand, elle ne peut pas. Si elle a un accès aléatoire à sa mémoire, donc si elle a une compréhension, la compréhension permet l'accès aléatoire, bien là, quand il arrive quelque chose, immédiatement, elle va être capable de prendre, alors que sinon, c'est le cheminement au complet. Donc, dans n'importe quelle structure d'enseignement, au départ, ce serait de montrer aux gens comment apprendre à apprendre. Bon, ça va se faire. Ça, c'est à s'allier les forces du bien. Mais la première chose à faire, s'allier les forces du bien, c'est dans n'importe quelle situation de la vie, on devrait s'arrêter pour se poser la question, moi, l'être intelligent, moi, je veux vivre comment? Okay? Première question que l'humain de se poser, c'est ça. L'humain va dire, moi, je veux savoir pourquoi je vis. Pas de problème, moi, je vais te donner des claques, paf, paf, je vais te piquer, je vais mettre le feu par son linge. Puis continue de te demander pourquoi tu vis. Tu ne pourras pas répondre tant que tu ne seras pas bien pour commencer. Parce que tu vas être trop occupé. Bon. Comment je veux vivre? Quel genre de vie je veux avoir? Ça, c'est pas de la philosophie. Ça, c'est n'importe quelle personne qui veut se bâtir une maison. Quel genre de maison je veux? Comment je veux que ma maison soit? On ferait un plan. Là, la personne a dit, je vais avoir un 8 pièces. Là, on dit, non, un 8 pièces, ça se fait pas. C'est un des 4 pièces. Mais la personne, là, qui comprend les mécaniques, elle va dire, pas de problème, deux maisons jumelées ensemble avec une porte. Là, les lois vont dire, ouais, ben là, ouais, donc, c'est à la limite, là, mais... C'est légal? Oui. Bon, c'est légal, on le fait. Mais lui, ce qu'il se dit, c'est que j'ai une maison 8 pièces. Mais tous ceux qui ont des procédures grandes comme ça ne peuvent pas avoir accès. Il y a des maisons 4 pièces. Puis ils disent, écoute, on sait bien que ce serait mieux avec 8 pièces, tu sais, mais on ne peut pas. Pourquoi tu ne peux pas? Ben parce que ça ne se fait pas. T'sais, c'est illégal ou c'est ici ou c'est ça. On commence avec ma vie. Comment je veux vivre? Les questions, ça, c'est facile. On fait un retour. Puis là, les gens détestent faire ce genre de travail. Mais c'est aller à l'école. Ce soir, demain soir, vous allez, après votre journée, là, vous allez simplement noter qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée qui ne fait pas partie de mon monde. OK? Et là, c'est bien simple, vous allez finir par en conclure, vous n'êtes pas dans le bon monde. Mais c'est pas juste une idée. C'est vrai. Écoutez, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a déplu à mon emploi? Et premièrement, j'ai reçu de l'huile dans l'œil, j'ai respiré des toxines, mon contremaître puis il s'est enfargé sur moi, c'est ce qu'il dit, là, mais moi je pense pas qu'il m'a donné un coup de pied. Moi je vais te dire, peut-être que tu n'es pas dans la bonne entreprise. Tu ne travailles pas à la bonne place. Tu n'es pas dans la bonne compagnie. Ah oui, mais là, hey, on ne peut pas changer de compagnie comme ça. Ça sent un jour de se mourir. Moi, ta place, je pensais à une compagnie avant. C'est la même chose. La majorité des gens ne vivent pas dans le bon monde. Puis effectivement, quand on constructure un peu plus, puis qu'on comprend les mécaniques, on change de monde. Il y en a qui vont changer d'amis. Il y en a qui vont changer de problème. Il y en a qui vont voir leur situation de vie s'améliorer. Mais la première chose, c'est aujourd'hui, bon, petite dispute là. J'ai été stressé à peu près tout le temps. Quand je conduis, je suis pogné. Tu sais, moi, je suis genre à prendre des petites routes, là. Parce que les autoroutes, tant que j'ai peur de ça, moi, là. Fait que, tu sais, je reste à telle place, à Joliette, puis me rendre à Montréal, ça me prend du temps. Mais prends l'autoroute. Prends l'autoroute, c'est dangereux. Il y a quand même plus d'accidents à ces petites routes que ces autoroutes. Ça va plus vite, les autoroutes. Mais les gens qui ont bien peur prennent les petites routes. Bon. La personne étudie. Là, je dis ça, là, dispute. Dispute, par exemple, avec mon conjoint ou ma conjointe. Pas de petite dispute. Ou encore, on se parle plus, mais non, on se parle, mais on communique plus, etc. Tout ça au complet, là, on prend ces éléments-là. Ça va avec comment je veux vivre. On en attaque seulement un, celui qui est le plus fréquent, par exemple. Et puis, on commence à l'étudier. Pourquoi ça m'arrive? Puis, on étudie ça, d'une façon, le contremaître, il a besoin, le contremaître tout sous mon dos. Bon, est-ce que, là, il faut partir, comprenez bien l'idée. Ça lie les forces du bien, c'est simple. Le contre-maître est toujours sur mon dos. Alors, on part. Est-ce qu'on va définir le contre-maître comme étant un élément, un figurant, un acteur, un élément, une mécanique, un écureuil dans ma vie? Quand je roule en automobile, l'écureuil vient pour traverser les chemins, j'arrête pas pour l'engueuler. Maudit niaiseux! Bon. Je me dis, ou je l'écrase, ou je le laisse passer, ou tu sais, bon, ça dépend du monde. Mais je ne suis pas frustré de l'écureuil. Parce que l'écureuil, pour moi, c'est une mécanique sans intention. Ça pense pas. C'est une branche d'arbre qui tombe. Maudit arbre, tiens dans des branches, tu sais, on fait pas ça. Mais si c'est moi qui échappe ma branche sur ton auto, alors là, on va y aller par là. Alors le contre-maître, on voit que le contre-maître, c'est un élément du problème. C'est pas un mot de chien qui fait exprès pour m'écœurer. On peut pas rien régler de même. Parce que le mot de chien qui fait exprès pour vous écœurer, vous allez vous organiser un maudit pour l'écœurer. Et lui, ce qu'il se dit chez lui, c'est que vous ne l'aurez pas, puis il va continuer. Alors, c'est un élément. Comment est constitué cet élément? Ce contre-maître, le lendemain matin, je reviens avec une loupe, là, je l'observe. Je me rends compte qu'il semble que le pauvre bonhomme, il a besoin d'avoir du pouvoir. Il faut comprendre les mécaniques. Et pour avoir du pouvoir, il faut que tu domines. Mais tu as bien plus de pouvoir si tu domines quelque chose de fort. Donc, plus tu résistes, plus il va être sur ton dos. Il n'y a pas le choix. C'est pas lui, il n'a pas le choix. Il est dans une mécanique où il a besoin de pouvoir. C'est pas sa philosophie, c'est sa psychologie qu'on va faire. Pour l'instant, on étudie la mécanique. Là, une fois que j'ai compris, là, on saute des étapes. Une fois que j'ai compris ça, là, je me dis, moi, est-ce que je fais des choses pour peser sur des leviers chez le contremaître qui va faire en sorte que le contremaître va être absolument heureux de m'avoir comme employé, c'est-à-dire qu'il va pouvoir me bûcher dessus, m'engueuler, m'écraser, puis se stresser pour moi, etc. Mm-hmm. Puis comme lui-même va être malheureux, donc il est nécessairement bien d'être malheureux avec moi. Alors, bien, ça dépend. Quand je rentre le matin, premièrement, je ne le regarde même pas. Est-ce que si je ne le regarde pas, c'est pour lui une attaque? Est-ce que ça le stimule? Ouais, mais je ne suis quand même pas pour lui dire bonjour à l'écœurant. Ça dépend. Si tu veux rester malheureux, non. Ne dis pas bonjour. C'est la langue à la place. Tu vas être malheureux, ça va fonctionner. Mais si par contre, tu aimerais changer de monde pour être heureux, il va falloir que tu comprennes les mécaniques qui dirigent les contre-maîtres pour être capable, toi, après ça, une mécanique, arriver à un moment donné, le regarder, puis doucement, parce que tu sais très bien que lui, il a un gros égo. Tu peux arriver lundi matin, bonjour patron, comment ça va, j'ai acheté du chocolat, puis j'ai dit, ben, là, il va dire, c'est louche, il y a quelque chose qui va... Voilà. Ben non, il va t'en demander plus, c'est, mais... Mais si on connaît, si vous étudiez vous-même, les autres, si on étudie un peu l'humain, on finit par se rendre compte quelle est la procédure pour être capable, lentement, de finir par faire en sorte que le contremaître vous foutez la paix. Puis là, ne vous lancez pas en mission, là. Faut pas qu'il foute la paix au reste de la planète. Parce que là, votre bonheur, vous en voulez pas. Maintenant qu'il vous fout la paix, vous allez être malheureux parce qu'il y a encore l'autre là-bas qui est plus faible. C'est le procédure de l'humain. Il va chercher la misère et le malheur. Ici, comment je veux vivre? Ça, c'est s'allier les forces du bien. Les forces du bien, c'est quoi? C'est toujours la même chose. C'est la compréhension qui permet à l'humain de pouvoir contrôler, c'est-à-dire maîtriser des choses. Mais ici, on parle uniquement d'améliorer sa condition de vie. En réalité, quand l'humain fait ceci, je vous glisse un petit détail comme ça, que vous ne comprendrez peut-être pas tout de suite, ça va venir à un moment donné. C'est que le contremaître que vous connaissez, qui est mis toujours sur votre dos, la journée que votre contremaître ne sera plus sur votre dos, mis toujours sur votre dos, mais c'est parce qu'en réalité, ce ne sera plus le même contremaître. Puis si la démarche que vous allez faire est une démarche de glissement homochronique, je le dis comme ça, hein, à un moment donné, plus on va en parler, plus ça va finir par être clair. Mais ce qui arrive simplement, c'est que vous vivez une vie, vos égaux, vous autres, votre constitution, les lois de l'expression de votre nature, vous êtes bien, mais la façon dont on vous oblige à vous exprimer, vous amène à vivre dans un monde, un homochrone, c'est un monde qui est tout petit, qui est celui que vous connaissez, où vous allez continuer à rechercher la misère, c'est votre nature, c'est la nature de l'être humain, la nature planétaire de l'humain, pas la nature cosmique. Et en changeant, en appliquant ceci, en étudiant ce qui se passe et en appliquant une procédure pour être capable de changer la relation, vous êtes simplement en train de prendre votre corps et de le bouger. Vous êtes en train d'appliquer une procédure qui vous fait glisser à travers le continuum dans un temps qui est identique à celui que vous connaissez, donc dans un temps similaire, d'où le terme « homochrone », chrone pourtant homo si semblable. Vous allez glisser, puis vous allez aller rejoindre un parallélisme, un monde parallèle, mais qui est identique au nôtre, avec une seule différence, le contremaître est gentil avec vous. C'est ce que vous faites. Il y a quelqu'un qui va guérir, fait la même chose, il part d'une maladie, puis lentement il glisse. Il y en a qui prennent des médicaments, ils guérissent en deux jours, d'autres ça va prendre 2 ans, d'autres 20 ans, d'autres jamais, avec les mêmes procédures. Ça dépend simplement de ce qui se passe en dedans, glisse ou pas glissage. Le contremaître, en s'alliant les forces du bien, il arrive ceci simplement, c'est qu'on n'a pas changé le contremaître. Pour les gens qui se disent, par exemple, je ne peux pas, je n'ai pas le droit d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Pas correct. Mais je pose la question souvent, moi, là, quand j'étais tout petit, puis etc., bon. Et aujourd'hui, ce que je sais, c'est que quel que soit le changement que je fais, je n'interviens jamais dans la vie de personne. Mais ça, c'est une compréhension qui demande, bon, un peu plus de données. Mais le contremaître, je n'ai pas changé. J'ai changé de contremaître. Vu que c'est un homochrone, puis que j'amène les mémoires avec moi, ben toutes les gens, tout est correct, t'es parfait. Mmh. Les gens à côté de moi vont trouver que le contremaître a changé aussi, ils n'ont pas le choix. Mon ego a besoin de ça pour accepter le fait que le contremaître commence à changer. Finalement, tu ne te mêles pas de sa vie dans l'exemple du contremaître. C'est comme si lui donnait un coup tout le temps sur toi. Tout ce que tu fais, tu t'enlèves dans le dessous de son marteau. Je m'en vais voir le contremaître qui me donne pas de coup. Mais là, ce qui va arriver souvent, c'est que l'être humain glisse et revient à cause de son ego. Mm-hmm. L'importance de la négoïsation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contremaître, le jour il est gentil, et le lendemain, il est aussi calme qu'hier. Puis là, tu sais, on dirait que de temps en temps, le bonhomme change. Et ça, on voit ça souvent. Même ça parce que les fois, que l'automobile, elle consomme moins d'essence, tout ça, elle en consomme plus. C'est sûr que si j'ai le coup catalytique bouché, ça s'explique. Mais c'est quoi? C'est que l'ego, il y a des journées qui croient, puis d'autres journées qui croient pas? C'est uniquement, mais ça dépend de ce que tu veux, en termes d'expérience égoïque, donc de ce que tu as au niveau de ta mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'humain veut changer, ça y est, les forces du bien, la procédure commence par l'étude de ce qui se passe en dedans. Mais l'étude de ce qui se passe en dedans en fonction de la nature même qui m'oblige à m'exprimer. Mon corps physique est conçu pour s'autodétruire. Puis il le fait. Mes structures psychologiques sont conçues pour rechercher le malheur. Je fais que ça. Moi, c'est pas ça. Alors, j'ai toujours habité dans des corps physiques qui m'ont contrôlé, puis j'ai toujours vécu une vie en fonction de mes corps physiques. Bon, à un moment donné, comprenant la mécanique, mais on vit plus longtemps. Avant, à 30-35 ans, on était des vieillards. Aujourd'hui, à 50 ans, on est loin d'être un vieillard. Il y en a évidemment qui le sont déjà à 25 ans, mais c'est plus la norme. À 60-70 ans, il y en a qui ne sont même pas des vieillards. Alors qu'avant, c'était déjà très évident. Donc, il y a des choses qui changent. Moi, je peux me travailler, je peux fouiller à l'intérieur de moi pour comprendre des mécaniques, Mais les mécaniques, pas uniquement physiques, on contrôle quand même bien le corps physique, mais pas assez. Et je dois maintenant aussi étudier, comprendre les structures. Et les structures, la différence simplement, c'est pas de vous remettre vous autres en question. Si je vous pose des questions fondamentales, voulez-vous être heureux, heureuse? Oui. Bon, aimez-vous ça voir les gens souffrir? Non. Aimeriez-vous souffrir? Non. Bon, donc, en partant, on est des êtres de bien. Maintenant, comment se fait-il que sans arrêt, on se fasse du mal, qu'on s'interdise nous-mêmes des plaisirs, qu'on se martyrise, qu'on se culpabilise, etc., etc., puis qu'on fait du mal aux autres? Pourtant, il ne semble pas que ce soit ce qu'on veut faire. Nous, l'idée, évidemment, qu'on est royalement manipulé, qu'on est manipulé par... pas par quelqu'un. On est dans une mécanique. Bon, voulez-vous être mouillé? Non, il pleut. Être mouillé pareil. À un moment donné, on sort le parapluie. Bon, on n'est plus mouillé. C'est déjà mieux. L'humain peut s'allier les forces du bien par la compréhension de ces structures. Premièrement, par désémotiviser sa vision. Donc, avoir une vision animotive du monde. C'est-à-dire, ça m'empêche pas, moi, de vivre des émotions. Mais je dois cesser de penser que le maudit écœurant là-bas, il fait exprès. Il fait pas exprès, il est en train d'en mourir. Il y a des ulcères, il est en train de développer un cancer, il est en train de il y a un peu d'angine de poitrine, il vieillit, il défait son monde chez lui, il est malheureux. Et si vous le prenez quelque part à part, ou quelqu'un le prend, puis il pose les mêmes questions fondamentales, non, le bonhomme, il aimerait être heureux, il aimerait bien ça que ça marche mieux au travail. Mm-hmm. Mais lui aussi, il a sa vision. Ah, il faut les bosser, sinon ils font rien. S'il se mettrait à étudier les employés, il finirait par comprendre aussi les leviers, puis il finirait par établir des relations. Il faudrait qu'il commence par les établir avec lui, évidemment. Donc, le travail commence là. S'allier les forces du bien, le pendentif, il a une utilité pour certaines personnes. Il a aussi des effets secondaires très, très puissants. L'assujettissement collectif à tous ceux qui portent le même pendentif, par exemple. L'assujettissement, par exemple, à un outil extérieur, comme le téléphone, c'est génial, mais j'en fais pas un culte. Bon, l'aspirine, c'est génial, j'en fais pas un culte. Il y en a pour qui le cristal, qui a moins d'effet que l'aspirine, ben, ils vont en faire un culte. Et c'est là les motivisations de l'affaire. Au lieu de simplement comprendre puis utiliser, ben là, ils croient que c'est pas eux autres. Parce que le cristal lui-même a une forme énergétique qui dégage une onde de forme particulière qui, dans certains cas d'anatomie et de psychologie, va avoir une incidence positive pendant un laps de temps. Dans d'autres cas, ça n'aura pas d'incidence. Dans d'autres cas, ça aura une incidence négative. C'est à étudier. Comme les gens m'ont donné, la philosophie, c'est une pyramide. Une pyramide, une pyramide. La pyramide, c'est un silo. Alors, vous couchez en dessous, ça va vous momifier. C'est un silo. Ça conserve. Donc, au départ, avant de momifier, ça restructure un peu le corps vital, d'où la régénération de certaines choses. Puis après, ça conserve. Et quand je comprends la mécanique, je me dis, écoute, je suis peut-être défaite, je suis malheureux, ben non, j'ai besoin de... Je suis en tout cas une pyramide, ça restructure mon corps vital un petit peu. Donc, le corps, c'est le corps physique. Le corps vital, c'est le corps atomique. Et puis après ça, ben, je m'en vais ailleurs. Bon. Et j'ai un fruit qui a un petit peu de misère, elle met un petit peu en dessous, il revient un petit peu, parce qu'elle mange, c'est bon. Mais la pyramide, écoutez, la pyramide, c'est un silo, ça conserve. Et mon frigidaire conserve moustiquement mieux, par exemple. Non, mais c'est vrai aussi. Il régénérera pas, OK. Il va régénérer une pile, hein, une batterie, là, une pile, mais sans frigidaire, après ça marche un peu plus. Il n'est pas régénéré, mais chimiquement, il se passe de quoi? Il a régénéré un petit peu. Mais mon chargeur à batterie est pas mal plus efficace que mon frigidaire. Alors, je ne ferai pas le culte de la pyramide, le culte de ceci, le culte de... Il faut comprendre simplement les mécaniques et on peut s'en servir. Puis si vous savez la puissance, on parle de saluer les forces du bien, la puissance de la lucidité sur l'ignorance ou la croyance, la puissance de l'ouverture d'esprit sur la tradition ou sur la certitude, ben, c'est phénoménal pour améliorer les contextes et les conditions humaines. Il y a même des choses qui vont fonctionner pendant 2-3 ans de vos vies. Puis après ça, ça ne marche plus. Eh bien, ça, c'est plus ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes fait avoir. Ça ne veut pas dire que vous êtes trompé. Ça veut dire que là, on change, on fait d'autres choses. Saluer les forces du bien, c'est phénoménal comment on peut arriver à comprendre. Juste la structure cérébrale au niveau de la guérison, mais juste la structure métacognitive, comment vous faites pour apprendre? Comment vous faites pour être performant dans tel ou tel domaine? Mais si on comprend ça, vous allez être capable maintenant de le devenir par rapport à vous-même. Et ça, ça va vous permettre d'avoir des capacités de résolution de problèmes, bref, de se comprendre et de régler ses propres problèmes. On devient des experts de soi-même. Et le gros de l'avantage là-dedans, c'est qu'en alliant les forces du bien, en réalité, on va vers les endroits qui sont bien. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est ceci. Mais comme quand tu parlais de glisser, tu changes de contremaître. L'ego. Bon, c'est long à expliquer ce soir, mais en tout cas, on en parle de toute façon à travers les séminaires, à travers d'autres conférences aussi qu'on donne les vendredis. L'ego, c'est une centrisation, c'est-à-dire que c'est une espèce de condensation personnalisée de ce qu'apparemment de nos mémoires, et ça finit par se prendre comme nous autres. Puis c'est les égos qui se battent. On veut, moi, je n'ai pas de chicane, mais on se pique en maudit. Les égos se battent, les guerres d'égo. L'ego contrôle finalement totalement la structure de l'expression planétaire. L'ego, on peut dire, contrôle l'humain. Puis nous, on est dedans. On essaye de l'instruire, c'est très bon. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais l'ego, c'est lui qui nous tient, nous maintient dans un homochrome, c'est-à-dire dans une structure de vie qui n'est pas en affinité avec l'intelligence qui nous habite. C'est lui qui nous oblige à vivre une vie qui est une insulte à notre intelligence. Si on change l'ego, on change automatiquement de rail. Donc on glisse dans un autre homochrone. Un chronotope, c'est un ensemble d'homochrones différents, mais qui sont tous assujettis aux mêmes lois. Donc évidemment, l'humain, à un moment donné, devra travailler de façon à changer de chronotope. Là où ta nature t'oblige à être bien. Okay, un exemple de loi d'un chronotope, c'est ce que tu disais tantôt, l'humain recherche le malheur. Ben, une loi qu'on a ici, c'est que tu devras tout faire pour être heureux, mais tu ne devras pas y parvenir. Mm-hmm. Tu devras tout faire pour vivre le plus longtemps possible, mais tu mourras. C'est la fin. Tu devras tout faire pour être beau et belle, mais ça s'en ira. Ce sont des lois. Mm-hmm. Oui? Okay. Alors, il y a un autre chronotope, il y a d'autres genres de lois. Ce qui arrive simplement, c'est qu'en faisant le travail d'étude, le travail de compréhension de soi et des mécaniques, nécessairement, on vient instruire l'ego. En instruisant l'ego change. L'ego changeant change automatiquement de canal, donc de voie. Nécessairement, votre vie s'améliore. Un homochrone, il n'y a pas grand différent, c'est mieux. Changer encore un peu, s'améliore encore un petit peu. Sauf que si vous ne comprenez pas les mécaniques, mais quand vous voyez un film extraordinaire ou vous rencontrez quelqu'un qui vous motive, l'ego change. L'ego change la façon de s'exprimer. L'ego n'a pas changé encore. Donc, quand l'énergie de l'autre ou quand la motivation s'en va, oups, vous revenez dans le même canal. Donc, la vie reprend à peu près ce qu'elle était comme avant. Il faut absolument, pour s'allier les forces du bien, comprendre. Comprendre, ça veut dire que progressivement, par exemple, vous cessez de regarder des films de souffrance. Film d'horreur, film de violence, film d'action avec des grosses mitraillettes. Ben, votre ego cesse de se nourrir de ce genre de choses. Progressivement, lentement, la société va vivre moins de meurtres, moins de viols, moins de violence. Mais ce qui est original, c'est votre société qui va changer. En réalité, vous allez aller dans une société qui en vit moins. Un exemple. Vous commencez à être écologique. Mais subitement, le peuple commence à être écologique. Vous avez changé de peuple. Vous commencez à croire aux extraterrestres. Et subitement, on sort des films de plus en plus avec des extraterrestres. C'est de le hasard. Non, vous avez glissé dans un monde où les autres ils croient aux extraterrestres. Et l'important, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est... Oui, ce sont des homochromes. Tout le monde est identique avec une nuance. Et ça va mieux. Mais on n'a pas changé la planète. On glisse. On en reparlera. Avant d'en reparler, et de vous quitter, nous invitons tous à la prochaine conférence publique. Qui aura pour thème les entités de la nature, un monde à découvrir, et intrusion dans le monde des forces qui gouvernent l'homme. Ça aura lieu ici même, vendredi le 16 septembre à 19h30. Et pour les séminaristes, dimanche ici, il y a la conférence au Sheraton Laval, dans 2 jours. Et enfin, le séminaire de Daniel aura lieu dans 7 jours, c'est-à-dire le 27 et 28 août. La date limite pour les inscriptions, c'est le 25 août. Alors, si en partant, vous voulez réserver votre place, c'est la même chose. À l'arrière, il y a des tables pour ça. Bonne fin de soirée.